synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal en synergie centré sur l'adoption des quotas provinciaux comme nouveau critère qui sera pris en compte dans la sélection des candidats à l'entrée à la faculté de médecine. Pourquoi cette faculté seulement alors qu'il y a d'autres facultés d'excellence? Quelles mesures d'accompagnement pour sa mise en œuvre? Autant de questions qui seront abordées à travers des reportages dans différentes provinces. Nous avons également recueilli les réactions des étudiants, celles des politiques et leurs propositions. Nos rédactions ont également voulu en savoir davantage sur ce qui se fait ailleurs, notamment en Tanzanie et au Kenya. Nous irons là-bas. Un psychopédagogue, un député membre de la commission éducation à l'Assemblée nationale viendront également nous dire ce qu'ils en pensent. Mais on retiendra que la plupart s'accordent à dire que le critère excellence reste de mise dans ce secteur sensible de la santé humaine. Ce journal en synergie vous a été préparé par les radios Bonesha FM, Izere FM, Rema FM et la radio télévision Isanganiro. La mise en onde est bien assurée par François Akimana. Réalisation Alain Nyomucha Manza, Egide Nguringoma, Emery Kantongeko et Jean de Dieu Irakoze. Présentation Jean Bosco Nduimana et Emery Richard Nyonguru, plantons le décor Bosco. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Et pour ouvrir ce journal, nous revenons sur cette note du Conseil des ministres. Désormais, les candidats à la faculté de médecine seront retenus après concours sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux. Le Conseil des ministres l'a décidé en date du 21 février dernier à travers une note relative à l'orientation des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine. Dans un compte-rendu de ce conseil lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il ressort que différentes provinces avaient déjà soulevé le manque d'équité dans la sélection des candidats. Jérôme Niyonzima indique que c'est pour cela que le gouvernement envisage des aménagements. Suivez-le. Depuis un certain temps, l'accès des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine est subordonné à la réussite au concours organisé à cet effet. D'une part, l'organisation du concours permet une orientation objective dans cette faculté, et d'autre part, elle permet d'avoir de futurs médecins compétents qui sont à mesure de sauvegarder la santé de la population. Cependant, des informations faisant état d'un manque d'équité entre les étudiants candidats médecins le sortissant des différentes provinces ont été déjà soulevées. En considérant le taux de réussite, il s'observe des disparités entre la mairie de Bujumbura et les autres provinces en ce qui est du nombre. Les enfants du milieu rural ont moins de chances que les enfants du milieu urbain d'être enregistrés dans la faculté de médecine. Face à cette situation, trois alternatives sont proposées. Première alternative, augmenter le nombre de centres de passation du concours en faisant de chaque chef-lieu de province un centre de passation. Cette proposition présente l'avantage de réduction de la distance pour les candidats, mais présente aussi l'inconvénient d'exiger une augmentation du budget alloué à l'organisation de ce concours. Deuxième alternative, supprimer le concours d'entrée à la faculté de médecine et considérer uniquement les points obtenus à l'examen d'État en veillant au strict respect du critère d'excellence et de l'équité entre les provinces. Cela a pour avantage d'économiser le budget alloué à l'organisation du concours, mais présente le risque de se retrouver en violation des directives de la communauté est-africaine. Continuer à organiser le concours et sélectionner les candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Le Conseil des ministres a opté pour l'organisation du concours et la sélection des candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Jérôme Nyonzima, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La province sanitaire de Cibitoke fait face à une insuffisance de médecins dans différents hôpitaux publics. Docteur Jean-Claude Habiyaremye, médecin provincial, indique qu'un médecin consulte plus de 35 patients ambulants par jour, contre moins de 25 requis par l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, Joseph Nyandui, directeur provincial de l'enseignement à Cibitoke, constate que peu d'élèves originaires de cette province fréquentent la faculté de médecine. Reportage signé Yvonne Mounianet. Selon le médecin provincial à Cibitoke, Dr Jean-Claude de Habiyaremye, cette circonscription compte seulement 46 médecins, au moment où cette dernière a besoin de 80 médecins, vu les 800 000 habitants que compte la province de Cibitoke. Dans notre province sanitaire de Cibitoke, il y a 3 hôpitaux de district, il y a 3 cliniques privées et il y a 2 centres médicaux confessionnels. Il y a aussi 4 hôpitaux communaux. Dans toutes ces formations sanitaires, on trouve 46 médecins. Selon le quota de l'OMS, on exige qu'un médecin, il y a 10 000 habitants par là, c'est-à-dire que le médecin doit consulter au moins 25 patients par jour. Dans notre province sanitaire de Cibitoke, selon les projections de l'ISTEBO, on est en 2024 à plus de 800 000 habitants, c'est-à-dire qu'on devrait avoir au moins 80 médecins pour que le quota de l'OMS soit exigé. Alors si on regarde les formations sanitaires et les médecins qu'on a dans notre province sanitaire, on n'est pas satisfait parce que chaque médecin doit consulter au moins 35 patients par jour, sans toutefois dire les tours de visite qu'on fait dans les hospitalisations. C'est-à-dire que le quota de l'OMS n'est pas respecté dans notre province sanitaire de Cibitoke. Concernant les lauréats du poste fondamental qui accède à la faculté de médecine, Joseph Nyandui, directeur de l'éducation en province Cibitoke, indique que le test donnant accès à la faculté de médecine devrait être décentralisé, car selon cette autorité, certains lauréats ne parviennent pas à arriver à Bujumbura, lieu de passation de ce test suite au manque de moyens. Dans l'année scolaire 2021-2022, il y a des candidats qui s'étaient fait inscrire pour passer ce test d'entrée à l'université en choisissant les facultés de médecine. Certains n'ont pas pu passer ce test parce qu'ils ont manqué le ticket. Alors, on a constaté que les enfants qui parviennent à passer ce test, ce sont les enfants des familles aisées. Les familles ont un revenu moyen ou petit, revenu familial. Ils n'ont pas pu passer ce test. Donc, si réellement on parvient à décentraliser ce test, les familles vont gagner, la province va gagner, même au niveau national. Parce que si jamais on a 100 candidats qui passent ce test, sûrement qu'on ne pourra pas manquer 4 ou 5 ou 3 qui vont peut-être réussir à ce test. Et peut-être espérer que dans une période de quelques 5 ou 7 ans, on aura des médecins qui vont parvenir à aider dans notre province ou au niveau national. Certains patients que nous avons rencontrés à l'hôpital de Cibitoke disent qu'ils peuvent passer toute une journée en train de se faire consulter à cet hôpital. Depuis la province de Cibitoke, Yvonne Mounianeza pour la Synergie des médias. Rendons-nous maintenant à Kirundo pour la suite de cet état des lieux. Kirundo qui manque aussi de médecins. Le médecin provincial Samuel Kwizera précise que toute la province n'a que 2 hôpitaux de district et chacun dispose de 4 médecins, y compris le médecin directeur. La direction provinciale de l'enseignement à Kirundo salue l'initiative du gouvernement en ce qui concerne l'introduction du critère quota provinciaux pour l'entrée à la faculté de médecine, mais trouve qu'elle devrait être fréquentée par les meilleurs. De Kirundo, Abraham Safari. Suite à l'insuffisance des médecins à l'hôpital de référence de Kirundo, les patients ne sont pas accueillis favorablement. Les doses ne sont pas administrées à temps, du moins selon les certains patients rencontrés à l'hôpital de Kirundo. Le médecin directeur de l'hôpital de Kirundo, Dr Serge Ndihokubgayo, signale que la population cible qu'ils accueillent à cet hôpital se compte à plus de 800 000 personnes, alors que les médecins ne sont même pas à 5 personnes. ce qui fait qu'il travaille avec fatigue de tous les jours. Docteur Serge Ndihokubgayo nous a fait savoir qu'avoir deux médecins en même temps à la consultation, c'est rare, ils en remercient Dieu. Quant au médecin provincial de Kirundo, Docteur Samuel Kwizera, l'hôpital du district devrait normalement avoir 13 médecins au minimum, mais et l'hôpital de Kirundo et l'hôpital de Mukenge en commune de Bwambarangwe, chacun ne dispose que 4 médecins, y compris les directeurs. Et quant aux quotas provinciaux d'étudiants qui fréquentent la médecine, son médecin fait savoir que faire cette faculté est une vocation. Selon lui, la vie que les étudiants mènent dès le début d'études est très chère. Mais il y a également le petit salaire qu'ils reçoivent après les études qui décourage les élèves à fréquenter la médecine, selon Dr Samuel Kwizera. Concernant les élèves qui terminent les humanités et qui veulent faire la médecine, Moka Pornaleokadi, directeur provincial de l'enseignement à Kirundo, a fait savoir que les élèves participent aux tests de sélection mais ne parviennent pas à réussir. Quant au quota provincial des médecins, cette autorité aimerait que les meilleurs dans les provinces fréquentent cette faculté. Signalons qu'il n'y a qu'un seul étudiant en province de Kirundo qui a pu réussir l'année passée à l'examen lui permettant à faire la médecine. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la synergie des médias. Abraham Safari, c'est pareil à Karoussi. Le médecin provincial confirme son manque de médecins et explique que la plupart qui partent ne sont pas remplacés. Docteur Leonidas Ndisabira informe qu'il n'y a qu'un seul hôpital de district sur les deux districts que compte la province et cet hôpital de Bouhiga a seulement deux médecins. Il ajoute que trois hôpitaux communaux n'ont plus de médecins à Karoussi, d'où nous appelons Blaise Pascal Kalaroumi. Les trois hôpitaux communaux qui n'ont plus de médecins dans la province sanitaire de Karoussi sont entre autres l'hôpital de Nyarunazi de la commune Nyabikere, l'hôpital de Rutonganikwa de la commune Bouhiga et dans la commune Bugenyuzi, l'hôpital communal de Rugazi. Comme l'indiquent certains habitants de ces localités, la population prouve beaucoup de difficultés pour les soins médicaux nécessitant l'intervention d'un médecin. Un autre handicap d'accès aux soins de santé de la population de la province sanitaire de Karoussi signalé et qu'il n'y a qu'un seul hôpital de district sur les deux districts sanitaires que compte la province de Karoussi. Et le seul hôpital de Bouhiga qui s'y trouve comme hôpital de district ne compte actuellement que deux médecins de l'État, y compris même le médecin directeur, comme cela est confirmé par le médecin provincial. Aussi, le district sanitaire de Nyabikere, qui compte quatre communes, à savoir commune Mutumba, Nyabikere, Shombo et Gihogazi, n'a pas encore eu de hôpital de district après une dizaine d'années de construction de ces bâtiments. Ainsi, la population de ces communes sont transférées soit à Bouhiga, où l'hôpital ne compte qu'un seul médecin consultant, et au cas échéant, à l'hôpital de troisième référence de Karoussi, tous les deux hôpitaux se trouvant dans la même commune de Bouhiga. Le médecin provincial confirme son manque criant de médecins et dit qu'il ne peut même pas parler de ratio médecin-habitant standardisé. Docteur Ondas Nzisabira indique que la population de Karoussi se compte à plus de 700 000 habitants selon les statistiques de l'Istebou pour 5 médecins consultants de la fonction publique qui sont 4 dans les 4 communes et un autre à l'hôpital de district de Bouhiga. Il signale comme raison des départs de ces médecins une fois affectés dans la province sanitaire de Karoussi, des départs qui se font pour aller embrasser d'autres métiers de vie. Comme d'autres gens contactés, le médecin provincial signale que les jeunes n'ont plus d'engouement pour le métier d'un médecin suite aux conditions de vie. Il demande à tous les concernés de prendre les décisions nécessaires pour le développement du secteur de la santé, un secteur très important pour le développement de tout le pays. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la synergie des médias. Merci Blaise. Et le médecin chef de la province sanitaire de Makamba espère que l'accès à la faculté de médecine par quota provinciaux pourra contribuer à la résolution du problème de manque de médecins. Cette autorité sanitaire affirme que la plupart de médecins sont des natifs de cette province. Vincent Kounzise. Cette insuffisance du personnel de santé s'observe sur toute l'étendue de la province sanitaire de Makamba, en commençant par les infirmiers jusqu'aux médecins généralistes, car il n'y a aucun médecin spécialiste dans cette province. Certains habitants affirment que, quelquefois, quand ils se rendent au dispensaire, ils trouvent un petit nombre d'infirmiers, alors qu'ils sont nombreux et demandent des différents services. D'autres ajoutent que, quand ils sont transférés à l'hôpital de Makamba, des fois ils manque de médecins et ils doivent attendre ceux qui proviennent de Bujumbura ou dans d'autres provinces, ce qui expose les Lévis. Contacté à ce propos, Dr Hazio Gérard, médecin provincial de Makamba, affirme qu'il y a une grande différence entre le nombre de médecins disponibles dans cette province et ce dont on avait besoin. J'aimerais vous dire qu'il y a un manque criant de médecins dans les provinces, mais plus spécialement dans la province de Makamba, où nous avons un nombre insuffisant de médecins. À l'heure où je vous parle, l'hôpital de Makamba, considéré comme un hôpital de référence, compte uniquement 9 médecins, y compris le médecin directeur provincial, 3 médecins à l'hôpital du district sanitaire de Nyanzarake. Donc, nous avons beaucoup de difficultés. Même s'il y a au moins un qui vient, il y passe une ou deux semaines et il quitte. Vraiment, il y a une insuffisance de médecins. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ils font un médecin pour 10 000 habitants. De ce fait, alors, la province sanitaire de Makamba devrait pratiquement avoir au moins 71 médecins. Cette autorité provinciale salue la décision du gouvernement d'orienter les lauréats des écoles postes fondamentales dans les universités en médecine en se basant sur les quotas provinciaux, car ça aidera à augmenter les médecins dans cette province. Sur les 3 années scolaires écoulées, 19 étudiants seulement ont regagné la faculté de médecine, dont 10 à l'université du Burundi, 7 à l'université de Ngozi et 2 à l'université Espoir d'Afrique. Docteur Hazio Gérard, médecin provincial de Makamba, espère sans doute qu'une fois cette décision récemment approuvée par le conseil des ministres mise en œuvre, le problème d'un nombre insuffisant de médecins trouvera une solution durable. Car, selon lui, même aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont en service dans cette province sont des natifs de la dite province. Depuis Makamba, Vincent Nziza pour la synergie des médias. Vincent Nkurunziza, ses avis sont partagés chez les étudiants de la faculté de médecine à l'Université du Burundi. Certains estiment que la prise en compte des quotas provinciaux pourra donner l'occasion aux élèves ayant réussi l'examen d'État dans différentes provinces de pouvoir passer le test d'entrée à la faculté de médecine et donc répondre au manque de médecins qui s'observe dans tout le pays. D'autres proposent un suivi régulier dans l'application de cette mesure compte tenu de la sensibilisation. De la sensibilité du secteur de la santé. Je vous propose de les écouter au micro de notre confrère Jonas Sebuchumi. Pour moi, je crois que cette mesure, elle favorisera surtout les gens qui ne parvenaient pas à venir dans les centres de passation, puisque ça sera près de leur habitation, il leur sera facile d'aller passer le test. Donc, celui qui voudra passer le test, il pourra le passer. Les inconvénients sont que, à la faculté de médecine, premièrement, c'est une faculté où vraiment l'éducation est très rude. Et la question que je me posais, c'était si les 10 personnes que l'on aura choisies, sélectionnées par province, est-ce qu'elles pourront finir leur cursus dans la faculté, puisque les conditions sont un peu strictes. Et j'ai peur que s'ils ne sont pas les meilleurs, ils ne puissent pas terminer leur cursus. Pour ce qui est de la qualité, on sait tous que la faculté de médecine, c'est l'un des pôles d'excellence des facultés de l'Université du Burundi. Donc, pour moi, je pense que la qualité, c'est par rapport aux notes obtenues après avoir fait le concours. Je pense que si on prend la mesure qu'on va coopter en fonction des provinces, il y aura certains meilleurs qui ne vont pas continuer la faculté de médecine alors qu'ils ont eu une meilleure note. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de la qualité. Les inconvénients, bien sûr, en fait, la faculté de médecine exige l'excellence. L'excellence, ça veut dire la sélection des meilleurs élèves, les meilleurs candidats. La sélection des meilleurs candidats, ils vont les constater à partir des notes déjà obtenues. Pour moi, la médecine, c'est quelqu'un qui est intelligent. Venir étudier la médecine de 7 ans ici à Bujumbura, donc pour lui, ça peut diminuer ses chances. Vu aussi que la vie socio-académique est difficile, surtout ici en médecine où nous passons plus de 6 ans à étudier. Ça aussi, c'est un critère qui empêche les étudiants de fréquenter beaucoup plus la faculté de médecine. Mais vu qu'on décentralisait les centres de passation, il y aura des participants dans chaque province. Thank you. synergie des médias au Burundi. Dans la suite de ce journal en synergie, voyons ce qu'en pensent les politiques, en commençant par Zénon Nimubona, président du parti Parena, qui trouve que la faculté de médecine est exigeante et coûteuse et que les quotas provinciaux ne vont pas apporter grand-chose. Selon lui, il faut laisser ceux qui ont plus de chances pour terminer. Et cet homme politique propose plutôt de revoir les conditions d'apprentissage pour que les étudiants se sentent à l'aise en apprenant. On l'écoute. Les examens d'entrée sont non seulement nécessaires à la faculté de médecine, mais aussi dans toutes les facultés, car avec le temps, il s'observe de plus en plus d'étudiants incapables de suivre les enseignements universitaires du fait qu'ils maîtrisent mal la langue de travail. Mais de là à vouloir y pondérer les régions, du fait qu'il n'y aurait que ceux de Bujumbura qui réussissent à cet examen, cela n'a pas de sens. C'est vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas chercher les meilleurs et les moins bons en même temps sans se contredire. La faculté de médecine est exigeante et coûteuse. C'est pourquoi il faut n'y laisser entrer que ceux qui ont le plus de chances de la terminer. En plus des résultats élevés pour y accéder, il faudrait aussi rehausser les conditions matérielles pour les accompagner. Les conditions actuelles sont tellement déplorables que même pour les génies, il serait difficile d'aller loin. Pour le reste, avec les écoles d'excellence qui sont partout, les conditions d'études secondaires sont les mêmes pour les candidats probables, d'où il n'est pas nécessaire de faire des discriminations. Et puis, même si elles étaient inégales, il faudrait agir sur ces inégalités plutôt que de promouvoir la médiocrité. Toujours dans cette page des réactions, pour Jean-Dodier Moutawazi, président du parti Rassemblement des démocrates pour le développement de Burundi, Radebou en sigle, la considération des quotas provinciaux pour entrer en médecine devrait être assortie d'autres mesures d'accompagnement, notamment la signature d'un acte d'engagement par les lauréats médecins de prester obligatoirement dans leur province d'origine. On l'écoute. Nous sommes pour la note qui a été présentée par le ministre de l'Éducation au cours du Conseil des ministres du 21 février 2024, mais nous sommes pour de pouvoir prévoir des mesures d'accompagnement pour être juste envers les enfants, mais également les parents, mais être juste aussi envers les malades qui sont dans toutes les provinces. Il y a aussi une question d'équité entre malades. Tous les Burundais ont droit d'être soignés, mais on remarque que la plupart de médecins veulent prester à Bujumbura parce qu'il y a des hôpitaux privés qui payent bien. Mais également, dans le secteur de l'éducation, les parents inscrivent leurs enfants dans les écoles d'excellence. Ce qui fait que, au bout du compte, on trouve que les enfants de Bujumbura, de la milieu de Bujumbura, de la province de Bujumbura, sont plus compétitifs. C'est pourquoi nous demandons à ce que les lauréats qui seront passés par cette porte de quota, à la fin de leurs études, ils puissent signer un acte d'engagement qu'ils devront prester dans leur province d'origine. Et ici, je voudrais insister que les enfants pourront se faire inscrire dans leur province d'origine ou bien dans leur province d'où ils ressortent, c'est-à-dire chez leurs parents, ou bien là où ils résident. Le conseil que je donne aux lauréats qui veulent aller en médecine, c'est la détermination, parce que c'est un secteur, je disais, privilégié, un secteur d'avenir. Alors, il faut vraiment qu'ils prennent ça au sérieux. Mais également, il faut encourager les écoles et les parents à investir beaucoup plus pour avoir de très très bons médecins. Jean de Dieu Moutawazi, président du parti Rassemblement des démocrates pour le développement du Burundi, Radebou. Et pour Tassien Sibomana, acteur politique, les quotas provinciaux risquent de favoriser la régionalisation au détriment de la qualité. Selon ce politique, cela pourrait constituer un recul historique. Il propose par contre une décentralisation de la passation du test d'entrée en médecine et sensibiliser davantage les candidats à s'essayer dans toutes les provinces. Tassien Sibomana. Si jamais il trouve que descendre à Bujumbura pour passer le test constitue un handicap, si c'est pour résoudre ce problème, ce n'est pas un problème. Mais si c'est pour dire nous allons trouver un test spécifique à chaque province, ou bien choisir les lauréats à la faculté de médecine par province en ne tenant pas compte du nombre de points obtenus, ça constituera un recul historique. Et ce qui constitue même une menace à la santé de la population de façon générale. L'impact, c'est quoi? C'est que on risque de favoriser la régionalisation ou la représentation régionale au détriment de la qualité de l'enseignement et en devenir la qualité des soins, la qualité des prestations de ces médecins qui vont sortir de la faculté. Tous ces enfants naissent des parents qui proviennent des provinces. Ils proviennent des provinces différentes, soit le papa, soit la maman. Les enfants naissent à Bujumbura, mais si on regarde de près, la souche première de leurs parents n'est pas Bujumbura. Par rapport à ce sujet, ça veut dire qu'on devrait d'abord procéder à une campagne de sensibilisation dans les provinces pour préparer les enfants à aller passer le test d'entrée. Deuxième solution, ça peut être la décentralisation par rapport au centre de passation de ce test. La dernière, c'est peut-être d'engager les médecins en tenant compte de cet aspect de représentation. En toute fin de compte, s'il faut vraiment privilégier la formation, l'excellence par rapport à d'autres critères subjectifs, je pense que c'est cette voie qui permettrait d'avoir de bons médecins, des médecins professionnels qui rassurent la survie de nos populations quant à notre système sanitaire. La qualité, oui, et Oui, la qualité, oui, mais effectivement, l'excellence. Les meilleurs élèves doivent être privilégiés pour fréquenter la faculté de médecine, car le secteur de la santé est très exigeant. C'est François Rohiro, président du parti Fraternité des Patriotes, INEESA, qui estime que l'excellence repose surtout sur des compétences et non sur des équilibres provinciaux. Par ailleurs, même certaines autorités font parfois recours aux médecins étrangers, pouvant être mieux qualifiés par rapport aux locaux. On écoute François Rohiro, c'est le président du parti Fraternité des Patriotes, INEESA. Nous sommes passés par des périodes où les gens ont eu des différends au niveau ethnique, au niveau régional, où pour les résoudre, les gens devaient voir leurs amis entrer dans le pouvoir. Maintenant, quand on entre dans un secteur aussi délicat comme la santé, c'est regrettable que des gens puissent penser de la sorte. D'abord, on est Burundais, où que nous soyons, nous pouvons prester au niveau administratif, en tant que fonctionnaire ou autrement, sur tout le territoire. Je ne vois aucun inconvénient qu'un médecin qui vient de Bubanza, qui vient de Rutana, s'il est compétent, qu'il travaille dans tout le pays. Donc pour moi, l'excellence doit être visée d'abord, et c'est ça la plus petite des choses. Ainsi, s'il y a des élèves intelligents partout, il faut qu'ils soient associés, qu'ils ne soient pas bannis, mais je comprendrai moins comment on cherche à faire des équilibres, des enfants qui seraient moins compétents par rapport à d'autres qui sont meilleurs. Donc c'est une mesure que j'accueille avec vraiment tristesse. Je demanderai même à ce qu'elle soit arrêtée. Ce n'est pas vraiment une bonne chose pour la santé dans notre pays. Pour l'instant, il faut qu'on comprenne qu'on met devant les meilleurs élèves. S'ils sont dans tout le pays, on les cherche. Mais s'il n'y en a pas, on cherche des meilleurs. Je me mets à la place d'une autorité aujourd'hui qui serait ministre ou président de la République, qui se trouverait devant un médecin qui a été recruté et qui n'était pas compétent. Est-ce qu'il serait heureux de se faire soigner devant son médecin? Je vois même des autorités qui quittent notre pays pour aller se faire soigner à l'étranger. Pourquoi ils vont là-bas? Je pense qu'il y a de mêmes médecins avec des appareils qui sont adéquats. Donc je trouve qu'il n'y aurait pas des histoires de solutions d'accompagnement. Il faut qu'on comprenne que les Burundais sont des Burundais qui peuvent prester dans un service aussi délicat sur tout le territoire. Sans aucun problème. Francis Rohiro, président du parti Fraternité des Patriotes, INEESA, et la commission permanente éducation au niveau de l'Assemblée nationale attend du Conseil des ministres une mesure accompagnant la note récemment approuvée. Félix Moseriniga, président de cette commission, estime que la note vient après une loi qui avait été votée en 2020 au niveau de l'Assemblée nationale. Suivez. J'ai entendu que le Conseil des ministres a adopté une note relative à l'entrée dans la faculté de médecine à l'Université du Burundi. Et je pense que c'est une note qui vient en application à une loi que nous avons votée au cours de l'année 2020, qui a été promulguée, je pense, en novembre 2020. concernant l'organisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Et le rôle de l'Assemblée nationale, c'est d'abord de se rassurer que la dite note vient en conformité avec la loi votée, mais aussi en harmonie avec les autres textes d'application. Donc, comme c'est une note qui vient d'être adoptée par le Conseil des ministres, nous attendons peut-être qu'il y ait un texte mettant en application cette note pour voir si elle est en harmonie avec la loi votée, mais aussi en harmonie avec les autres textes d'application qui régissent l'enseignement supérieur au Burundi. C'est toujours l'édition spéciale en synergie que vous présente les radios Isanganiro, Isere FM, Bonesha FM et la radio Rema FM. Un seul sujet est mis à l'honneur, impact du système des quotas provinciaux à la faculté de médecine. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Notre consoeur Linda Bouchacha nous fait visiter certaines universités de la sous-région comme la Tanzanie et le Kenya. Et c'est parti. En Tanzanie, les universités publiques ayant la faculté de médecine sont ceux de Dar es Salaam, de Doma et Muhimbili. Basili Emmanuel, un des étudiants dans la faculté de médecine à l'université de Muhimbili, fait savoir que parmi les critères d'admission à cette fac figure la fréquentation de la section scientifique au secondaire. Le premier critère pour se faire inscrire dans la faculté de médecine, c'est d'avoir réussi d'abord. Dans les universités publiques, il faut que l'étudiant ait réussi avec mention D3. Et cela fonctionne pour les Tanzaniens seulement. Mais étant donné que les places sont limitées dans cette faculté, on est obligé à faire passer un test pour pouvoir identifier les étudiants qui ont le plus de points que les autres. C'est comme cela que le recrutement de nouveaux étudiants dans la faculté de médecine se fait. Emmanuel Basili indique aussi que ces mêmes universités accueillent aussi des étudiants étrangers. Les universités de la Tanzanie donnent aussi accès à tous les étudiants étrangers le désirant à se faire inscrire dans la faculté de médecine. Même maintenant, nous avons des étudiants en provenance du Soudan, du Kenya, du Burundi et bien d'autres pays encore. Donc, s'ils sont en ordre avec les documents exigés, ils sont les bienvenus. Et au Kenya, un des universités publiques les plus fréquentées dans la faculté de médecine est l'université de Nairobi. Là, on y trouve des étudiants boursiers et ceux qui assurent eux-mêmes leurs frais de scolarité. Pour se faire inscrire, on passe par le site web de cette université. Les critères sont entre autres une bonne note, avoir fréquenté la section scientifique au secondaire et le diplôme d'État. Les étudiants inscrits passent par la suite un test pour sélectionner ceux qui méritent d'intégrer cette faculté de médecine, étant donné que les places sont limitées. Et pour les étrangers, il suffit d'avoir les documents requis et faire la certification du diplôme selon les normes du Kenya. Et sont accueillis aussi les étrangers voulant faire la spécialisation. Le point commun pour ces deux pays est qu'ils se basent sur les points obtenus et les diplômes d'État. Merci Linda Bouchacha. Les critères des quotas provinciaux dans la sélection des lauréats de l'examen d'État orienté à la faculté de médecine ne devraient pas être priorisés. C'est l'analyse du psychopédagogue Pierre Claver Kanabaze qui explique que l'application de ce critère est lourde de conséquences. Il cite entre autres l'accumulation des échecs, la perte de moyens financiers et la démotivation des étudiants. Dr Pierre Claver Kanabaze rappelle que l'éducation revêt un caractère national. Suivez-le au micro de Jean Dodieu Irakotse. Vous savez que la vie d'une personne humaine est sacrée. Pour alors avoir des médecins compétents, des médecins étant à la hauteur de la tâche, même on doit recruter des étudiants capables de suivre cette formation. C'est pourquoi alors, moi je dirais qu'il faut être un peu prudent quand on dit qu'il faut introduire des quotas. Et par ailleurs, l'éducation est nationale. En matière éducative, le vocable national signifie qu'un apprenant peut se faire inscrire dans toute école implantée sur le territoire du Burundi, comme après études, il est prêt à travailler, à être affecté sur tout le territoire du Burundi. Je peux être natif de Muramvya et aller étudier à Muyinga. Je peux être au stade de la mairie et étudier à Carousie. Vous comprenez alors que appliquer les quotas, ça ne veut rien dire. Par ailleurs, lorsqu'on est en classe, un enseignant ne prête jamais en regardant l'origine des élèves. Comme le médecin, dans son cabinet, on ne soigne pas le patient en provenance de son origine. Personnellement, je vois que cette mesure de considérer les quotas n'est pas propice au niveau des écoles, et en particulier à la faculté de la médecine, faculté hors de commun. La première conséquence qu'il risque d'y avoir, c'est l'enregistrement des échecs massifs en bac 1 dans la faculté de médecine. Parce que, n'ayant pas respecté le principe qui stipule l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La deuxième conséquence, le redoublement et les abandons coûtent trop cher à l'État. Et en redoublant, occupe une place qu'un autre étudiant méritant aurait occupé. La troisième conséquence qu'il peut y avoir, c'est le sentiment d'injustice qui peut s'installer chez certains étudiants suite à ce système de quotas. Ces étudiants peuvent éprouver un sentiment d'injustice et avoir une démotivation et même pas poursuivre les études supérieures. Docteur Pierre Claver Kanawadze suggère au gouvernement de concentrer les efforts dans les localités présentant plusieurs défis en termes des ressources humaines, matérielles et financières pour qu'il y ait de l'équité par rapport à l'entrée dans la faculté de médecine. Il trouve en outre que le gouvernement devrait privilégier la discrimination positive en accordant des avantages à certaines écoles compte tenu de leur catégorie. On écoute une fois de plus Pierre Claver Kanawadze. Moi, je pense qu'il y a moyen d'appliquer l'équité sans passer par les quotas. La première chose à faire au niveau du gouvernement, en fait, accorder ressources humaines, matérielles et financières à ces écoles où on constate qu'il y a une certaine lacune. Vous parlez des professeurs, des enseignants à nombre suffisant et qualifié. Je parle des manuels scolaires. Je parle même des effectifs au niveau des écoles. On trouve ici une classe qui a 50 élèves et on trouve dans une autre école 150 élèves. Mais, cela étant, dans toutes les provinces, il faut commencer à la base parce que l'éducation remonte de la base. On peut constater que au cours de l'année, quelques écoles ont connu des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau? À ce niveau, pour appliquer l'équité, il faut appliquer ce qu'on appelle la discrimination positive. Concrètement, au concours, si on fixe le pourcentage d'aller à la médecine à 70%, ce pourcentage peut s'appliquer au lauréat des écoles d'excellence. Les élèves ayant poursuivi les études dans les lycées publics, on peut appliquer 68%. Et les élèves ayant évolué dans les lycées communaux ou municipaux, on peut appliquer le pourcentage de 65%. C'est la discrimination positive qui est permise, qui aboutit à l'équité. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que ce principe pourrait être appliqué au Burundi. Dans le temps, on l'appliquait au niveau du concours national. Et pour encourager les filles de fréquenter les écoles secondaires, on fixait le pourcentage légèrement moins à ceux des garçons. Docteur Pierre Claver Kanawadze, il est psychopédagogue. Nécrologie pour clore ce journal, c'est un coup dur pour la famille des journalistes du Burundi. Jimmy Elvis Vizigiro n'est plus de ce monde depuis ce 21 mars 2024. Il était jusqu'ici président et membre fondateur de l'association des éditeurs du magazine Jimbere, Assez Magie. Il était passionné particulièrement par les sujets d'histoire du Burundi. La Synergie des médias adresse ses condoléances à la famille des journalistes et à celle de sa famille biologique. Et pour boucler définitivement ce journal, je rappelle que nous étions en synergie centrée sur l'adoption des quotas provinciaux comme nouveau critère qui sera pris en compte dans la sélection des candidats à l'entrée à la faculté de médecine. Ont participé à cette édition spéciale en synergie, les radios Isel FM, la radio-télévision Isanganiro, la radio Bonesha FM et la radio Rema FM. La mise en onde était bien assurée par François Akimana, réalisation Alain Nyomucha Manza, Edith Nguringoma, Amerika Nungeko et Jean Dodieu. Il a causé à la présentation. Vous étiez avec moi-même, Aimé Richard Nyonghuru et Jean Bosco Nouimana. Jean Bosco, c'était un plaisir. Merci Richard pour la co-présentation. Bon après-midi à vous. Au revoir.